Section 19 de La Bête du Gévaudan. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Rémi. La Bête du Gévaudan par Élie Berthet. Chapitre 19. La famille Féréole. À quelque distance de la ville de Langogne, située elle-même sur un des plateaux les plus élevés de la Lozère, commence une chaîne de montagnes qui se rattache, par diverses ramifications, aux Alpes et aux Cévennes. On l'appelle le Mézin. Comme les autres chaînes du Velay et du Vivarais, elle se compose d'une série de volcans éteints depuis des milliers d'années. Il serait impossible de trouver un sol plus tourmenté, plus hérissé d'obstacles naturels, en un mot, plus difficilement accessible. Ce sont partout des pics ardus, des arêtes vives, des coulées de lave auxquelles un refroidissement subit a donné des formes bizarres, partout des précipices, des blocs abrupts, des cascades bruyantes, des lacs formés dans d'anciens cratères. Sauf quelques vallées et certains versants favorisés, cette contrée est nue, stérile. Sa richesse consiste en pâturages qui nourrissent de nombreux troupeaux et en châtaigniers dont le fruit forme à peu près la seule ressource des habitants. Aussi, les montagnards du Mézin sont-ils d'une pauvreté extrême et à demi sauvage. La misère, l'isolement les ont rendus farouches, querelleurs, insociables. Même aujourd'hui, que tant de causes peuvent influer sur leur caractère traditionnel, ils sont jaloux, vindicatifs, toujours prêts à en appeler au couteau pour la moindre offense. Enfin, on dirait que leur esprit indomptable s'harmonie avec la nature menaçante et rude du pays où ils sont nés. Dans une des vallées les plus solitaires du canton se trouvait une ferme isolée ou métairie, dont les habitants devaient s'occuper exclusivement d'élever des bestiaux, car on n'apercevait alentour aucune terre cultivable. C'est dans cette habitation pauvre et triste, dominée de tous côtés par des bois de sapins et des masses basaltiques, que nous ne tarderons pas à retrouver certains personnages importants de cette histoire. Vers le soir du troisième jour, après que Léon eut quitté Frontenac, le métayer et sa famille étaient assis sur un banc à la porte de la maison. Ils dépêchaient leur souper, qui se composait pour chacun de bouillie de châtaigne au lait, contenue dans une écuelle de bois. Le père, revêtu d'un habit carré en drap du pays, avec la veste et la culotte de même étoffe, coiffé d'un chapeau à ailes relevées et chaussé de sabots, était un homme de 50 ans, au visage morose, aux manières froides, à l'air taciturne. Sa famille se composait de sa femme, vigoureuse paysanne, dont le corsage, lacé par devant, et la coiffe aux barbes pendantes, n'annonçaient ni propreté ni fraîcheur. De sa fille, inculte et sordide donzelle d'une douzaine d'années, enfin de ses deux fils, grands drôles de 18 et 20 ans, habillés à peu près comme leur père et déjà sombres comme lui. Tout ce monde ne prononçait pas une parole, et l'on entendait d'autres bruits que celui des cuillères contre les écuelles fumantes. Dans une autre saison, on eût pu croire que ces gens venaient sur le seuil de leur porte respirer le frais avant d'aller se livrer au sommeil. Mais le froid était très vif et un vent piquant soufflait de la montagne. Une légère couche de neige couvrait déjà le pays et n'avait pas permis de conduire au pâturage, pendant cette journée, les bestiaux qu'on entendait s'agiter dans les étables. Les montagnards avaient donc un autre motif pour négliger le grand feu qui brillait dans l'intérieur de la maison et pour souper ainsi en plein air malgré la bise. En effet, sur le penchant d'une colline qui faisait face à l'habitation, quatre voyageurs à cheval suivaient un sentier tracé irrégulièrement par les troupeaux. Ce sentier conduisait à la métairie et ne se prolongeait pas au-delà. Les voyageurs venaient donc nécessairement à la métairie, et, eu égard à la solitude où vivait cette famille de pâtres, un pareil événement devait fort exciter sa curiosité. Des quatre personnes dont nous avons parlé, deux marchaient en avant et semblaient être des maîtres, tandis que les deux autres étaient évidemment de condition inférieure. Mais tous étaient bien vêtus à la mode des villes, bien armés de fusils et de couteaux de chasse. Autour d'eux vaguaient en liberté plusieurs chiens de grande taille, dont les vives couleurs se détachaient de loin sur la neige. C'était vraiment là un spectacle plein d'intérêt pour ces gens grossiers, qui, de temps immémorial, n'avaient vu pareille affluence de citadins dans leur désert. Ils attendaient donc, leurs écuelles à la main, sans oser détourner les yeux d'un instant, afin de ne pas perdre le moindre détail de ce qui allait se passer. Ils n'attendirent pas longtemps. Un cavalier parfaitement monté, qui semblait être le chef de la troupe, précéda ses compagnons et se dirigea seul vers la ferme. En un instant, il eut rejoint les montagnards, toujours immobiles sur le seuil de leur demeure. « Mes amis, dit-il en patois du Gévaudan, qui différait fort peu de celui de Mézin, n'est-ce pas ici la métairie de la Motte Rouge, habitée par Guillaume Ferréol, dit l'épée du juste ?» Ce fut le père de famille qui répondit avec roideur. « Vous êtes à la Motte Rouge, et je suis Guillaume Ferréol. Quant à ce surnom de l'épée du juste, qu'on donna jadis à mon grand-père, je me croirais indigne de le porter. » Le voyageur ne parut pas remarquer ces dernières paroles. « Eh bien donc, ami Ferréol, reprit-il, accordez-nous, à moi et à mes gens, l'hospitalité pour cette nuit. Je puis me recommander de votre maître, monsieur de Langeac, que j'ai beaucoup connu autrefois, et d'ailleurs je paierai largement l'embarras que je vous aurai causé. » « Je n'ai pas de maître, répliqua le montagnard avec une sorte d'orgueil farouche. Ma porte est ouverte à quiconque, riche ou pauvre, se présente au nom de Dieu. Entrez donc, il y a place à mon foyer pour vous et les vôtres. Vos bêtes trouveront de la litière et du foin dans mon étable. Je ne pourrai vous accueillir peut-être suivant votre condition, car je suis pauvre comme la veuve de Sarepta, mais le peu que j'ai appartient à l'hôte que le Seigneur m'envoie. » « Fort bien, l'ami, dit le voyageur. Nous sommes des chasseurs, nous ne nous montrerons pas difficiles. D'ailleurs, nous apportons avec nous quelques provisions, et nous comptons ne pas trop affamer votre logis. » En même temps, le baron de la Roche-Boisseau, que le lecteur a reconnu sans doute, mit pied à terre et fit signe à ses compagnons de hâter le pas. Ils arrivèrent enfin. C'étaient le Gris, Fargeot et le Piqueur Labranche, tous affamés et très fatigués d'une longue traite dans les montagnes. La famille Ferréol ne se confondit pas en démonstration de politesse, mais sur un signe du père, tout le monde se mit en mouvement pour recevoir les nouveaux venus et leur faire les honneurs de la maison. Les chevaux furent reconduits à l'étable, où ils eurent à discrétion un fourrage parfumé. Les chiens, qui s'étaient déjà pris de querelle avec ceux de la métairie, furent enfermés, sauf le limier favori, dans un toit à porc, où une soupe grossière, mais abondante, les dédommagea de leur captivité. Quant aux hôtes eux-mêmes, Ferréol les introduisit dans la maison. Plusieurs bûches de sapin furent jetées dans le feu, puis, tandis que les voyageurs se réchauffaient, la mère et la fille s'occupèrent activement des apprêts de leur souper. Ces apprêts étaient modestes. Toutes les provisions consistaient en lard, en fromage et en châtaigne, avec de l'eau pour boisson. Heureusement, la Roche-Boisseau et surtout le Gris avaient prévu le cas. Des viandes froides et des aliments plus recherchés que ceux du logis furent retirés des sacoches et étalés sur la table. Bientôt, tous les voyageurs, maîtres et valets, prirent fraternellement part à ce festin, assaisonné par la fatigue et l'appétit. Cependant, la nuit était venue. Une petite lampe de fer ajoutait sa lumière à celle du foyer. La porte était close et le vent sifflait autour du toit. Pendant que les voyageurs mangeaient, les divers membres de la famille Ferréol terminèrent leur besogne dans la métairie, ce qui mit fin à un infernal bruit de sabots, et ils vinrent s'asseoir derrière les convives. On les invita sans cérémonie à partager la bonne chère. Ils refusèrent d'un air grave. Le père seul accepta un verre de vin en signe d'hospitalité, mais il le reposa sur la table après y avoir trempé ses lèvres. Ces manières étranges avaient plusieurs fois excité l'hilarité de Legris. Mais la Roche-Boisseau prévenait par un regard sévère l'épigramme ou le rire qui eût pu indisposer des hôtes peu endurants sans doute. Le repas terminé, le baron voulut entrer en communication plus intime avec les habitants de la ferme. « Eh bien, maître Ferréol, demanda-t-il d'un ton familier et amical, vous n'êtes ici qu'à une ou deux lieues du bois de Sceaux, où s'est montrée pour la dernière fois cette terrible bête du Gévaudan. Pourriez-vous me dire si elle a quitté le pays depuis peu ?»« Non, que je sache, monsieur. » « On assure, en effet, qu'elle est blessée, » poursuivit la Roche-Boisseau, « et ce serait la chance la plus favorable pour nous, car vous avez deviné sans doute, l'ami, que nous venons au Mézin dans le but de chasser la bête du Gévaudan. » Quelque chose assez semblable à un sourire se joua sur les lèvres de Ferréol. « On m'a conté, il est vrai, » reprit-il, « qu'elle avait été touchée par un garde de Langeac. Mais que le monstre soit blessé ou non, messieurs, vous feriez mieux de renoncer à votre entreprise. » « Et quoi, mon cher ?» demanda le Gris d'un ton moqueur. « Seriez-vous de ceux qui croient la bête invulnérable ?»« Je ne la crois pas invulnérable, monsieur, » répliqua Ferréol en s'animant, « puisque j'ai vu de mes yeux les traces de son sang sur la neige de la Margeride. Nombre de tireurs l'ont même vu tomber sous leurs coups et ont cru l'avoir tuée. Cependant, deux ou trois jours après, elle reparaissait plus vigoureuse et plus terrible. Ses plaies s'étaient refermées. Elle avait secoué comme du gravier les balles qui trouaient sa peau. » Elle avait recouvré sa force et sa férocité. « Que faut-il de plus ? » poursuivit-il avec une sorte de véhémence farouche. « Le doigt de Dieu ne se montre-t-il pas ici? N'est-il pas évident, comme il peut être évident à des yeux mortels, que cette bête formidable a été envoyée pour le châtiment de nos péchés, qu'elle a été déchaînée comme un fléau pour punir l'incrédulité, la tiédeur, les vices et les abominations de cette génération mauvaise? En vérité, je vous le dis, ce n'est pas avec vos balles et vos fusils, avec vos couteaux de chasse et vos épées que vous tuerez cet émissaire de la vengeance divine, mais avec le jeûne et la prière. Revenez à Dieu, hommes impies, et la bête sera rejetée dans l'abîme dont elle est sortie. » Les membres de la famille accueillirent par une respectueuse inclination de tête cette homélie quasi-biblique de Ferréol. Le gris, un moment stupéfait, allait encore partir d'un éclat de rire quand un geste de Laroche-Boisseau le retint à temps. « Monsieur Ferréol, reprit le baron, vos discours confirment le soupçon que m'avait donné déjà la vue des Saint-Esprits dorés que votre femme et votre fille portent à leur col. Vous et votre famille, vous appartenez certainement à la religion protestante. » Le maître du logis se redressa fièrement. « Que vous importe, dit-il. Quand je vous ai reçu dans ma maison comme mon hôte, vous ai-je demandé si vous et les vôtres vous apparteniez à l'orgueilleuse église de Rome ou aux membres pauvres et dispersés de l'église militante ? Mais, continua-t-il avec rudesse, je ne renierai jamais ni ma foi ni mon Dieu. Mes pères assistaient aux prêches, le fusil sur l'épaule et la main sur la poignée de leur sabre. Mes fils et moi, nous serions prêts à faire comme eux. » Son enthousiasme se refléta dans les yeux de ses fils et même dans ceux de sa femme et de sa fille qui écoutaient en silence. On se trouvait évidemment chez des descendants de ces terribles sectaires qui, 60 ans auparavant, avaient, sous le nom de Camisards, ensanglanté les Cévennes. Obligés d'éviter les grands centres de population où les édits royaux leur défendaient l'exercice public de leur religion, les révoltés s'étaient réfugiés dans les parties les plus inaccessibles du pays et s'y étaient établis isolément. La tolérance du gouvernement s'étendait sur eux depuis cette époque, et malgré la sévérité des ordonnances encore en vigueur, on ne s'enquérait pas trop de ce qui se passait dans ces solitudes. Aussi, les montagnards protestants avaient-ils conservé leur fanatisme indomptable d'autrefois, fanatisme d'autant plus exalté que la persécution pouvait d'un moment à l'autre se réveiller pour eux. « Vous vous êtes mépris, maître Ferréol, » reprit le baron d'un ton grave. « Il n'y a pas de sotte indiscrétion dans mes paroles. » Mais à présent que j'y songe, ce surnom de l'épée du juste que l'on donnait à votre grand-père et que l'on vous donne encore aujourd'hui, n'a-t-il pas été porté par un brave partisan qui partagea les souffrances du pieux et loyal Pierre de Varinas au temps de Bervic et de Villars ? Le métayer releva la tête. « Vous l'avez dit, monsieur, » répliqua-t-il. « Mon grand-père était précisément le serviteur fidèle qui n'abandonna jamais le comte, son seigneur, pendant la persécution, et qui habita longtemps avec lui la grotte de Varinas. » Ils vivaient de racines et de fruits sauvages. Ils dormaient appuyés sur leurs fusils. 20 fois, on envoyait des dragons pour les prendre. Ils échappaient toujours par leur adresse et leur intrépidité. Mon grand-père, l'épée du juste, que j'ai connu pendant mon enfance, se plaisait à raconter devant moi les événements de cette cruelle époque. Et moi-même, je les ai racontés bien des fois depuis à mes enfants. Car nous, pauvres gens, nous sommes restés fidèles à la foi de nos pères martyrs. Tandis que les seigneurs de Varinas... « Vous voulez parler, dit le baron, du dernier comte de Varinas, qui, après s'être fait catholique, mourut misérablement à l'abbaye de Frontenac. Il fut bien puni de son apostasie, maître Ferréol, et l'extinction de sa branche a été peut-être un châtiment du ciel. Mais vous ne pouvez ignorer que la branche cadette de Varinas a scrupuleusement conservé sa foi. Et c'est à celle-là, Ferréol, que je suis fier d'appartenir, car moi aussi je descends de cet intrépide Varinas dont vous parliez tout à l'heure. » « Je suis le baron de Laroche-Boisseau. » Cette révélation ne parut pas produire sur le sectaire tout l'effet que le baron en attendait peut-être. En revanche, sa femme et ses enfants ne purent retenir un mouvement de surprise et de respect. Cependant, Ferréol se leva. « Je ne vous le cache pas, monsieur le baron, » dit-il avec réserve. « On m'a parlé de vous comme d'un gentilhomme tiède dans sa foi, d'un mondain qui a dépensé son patrimoine avec les filles des gentils. Mais il n'importe. » C'est une fête quand la maison de l'épée du juste reçoit le descendant du Saint-Martyr, le comte de Varinas. Que ce jour soit béni ! Il baisa la main de son hôte, et chaque personne de la famille vint à son tour rendre au baron le même hommage. Ce cérémonial s'accomplit avec cette roideur puritaine qui caractérisait tous les mouvements des Ferréol. Mais le gris ne songeait plus à en rire, et demeurait stupéfait de la gravité nouvelle qu'affectait son patron. La Roche-Boisseau, en effet, paraissait s'accommoder patiemment à l'humeur de ses coreligionnaires. Il ne faut pas, mon cher Féréol, reprit-il, vous montrer trop sévère pour les protestants des villes. Les édits royaux ne plaisantent pas, et si nous venions à manquer de prudence. Mais je vois que vous froncez déjà le sourcil. Laissons donc un sujet sur lequel nous ne nous entendrions pas sans doute. Je veux bien vivre avec vous, maître Féréol, comme il convient entre frères en religion, et je dois tout d'abord vous demander si nous pourrons compter demain sur votre aide. J'aurai besoin d'un guide, connaissant parfaitement le pays, pour nous conduire au bois du Sceau, où s'est réfugiée, dit-on, la bête du Gévaudan. Ainsi donc, monsieur, vous persistez dans cette entreprise insensée et peut-être sacrilège. Je vous répète qu'aucune arme charnelle ne prévaudra contre ce monstre. Les balles seront impuissantes, le fer s'émoussera sur sa peau, car il a reçu de Dieu une mission de vengeance et d'extermination. Mais soit, poursuivit Féréol d'un ton différent, vous serez servi suivant vos désirs. Voici Ruben, l'aîné de mes fils, qui vous conduira demain matin au bois du Sceau, et peut-être me déciderai-je à vous accompagner moi-même. Ruben, beau garçon de taille presque colossale, fit signe qu'il avait entendu cet ordre et qu'il l'exécuterait ponctuellement. Le baron remercia le père et le fils. « Ce n'est pas tout, poursuivit-il. Je suis à la recherche d'une personne dont la découverte a peut-être autant d'intérêt pour moi que celle de la bête elle-même. Et cette personne ne saurait non plus être éloignée d'ici. Il s'agit d'un homme de ce pays qui a longtemps habité les domaines de Varinas et ceux de Mercoire, mais qui paraît être revenu aux Maisins depuis peu de jours. Il a perdu la raison et se plaît au milieu des bois. Il s'appelle Jean Peyrat, mais il est plus connu sous le surnom de Jeannot Grand-Dedans. Pourriez-vous, mon cher Féréol, me fournir quelques renseignements sur son compte ? » Cette demande produisit une certaine impression sur la famille protestante. Seul le chef garda son sang-froid. « Monsieur le baron, dit-il après un court silence, avant de vous rendre chez moi, ne vous êtes-vous pas arrêté à la bergerie de Grand-Seigne, située à une lieue d'ici, de l'autre côté de la montagne ? Non, certes, nous venons en droite ligne de Langogne, où l'on nous a indiqué votre habitation comme la plus rapprochée du bois du Sceau. Mais pourquoi cette question, bonhomme Féréol ? C'est qu'il y avait ce matin à Grand-Seigne une troupe de chasseurs qui annonçait précisément comme vous l'intention de poursuivre la bête et de retrouver les traces de Jeannot Grand-Dedans. Martin, le métayer de Grand-Seigne, est venu m'en avertir moins de 2 heures avant votre arrivée chez moi et en même temps me demander avis sur des choses qui me concernent seules. Ainsi donc, vous ne vous êtes pas arrêté chez Martin ? Pas le moins du monde, dit le baron avec agitation, et je voudrais bien connaître les chasseurs insolents qui osent aller ainsi sur nos brisées. Quoi, vous ne les devinez pas ? S'écria le gris. C'est le neveu du prieur, l'agneau, comme vous dites. Je vous avais annoncé qu'il devait se mettre prochainement en campagne. Il n'y a pas manqué. En êtes-vous sûr, le gris ? En effet, il serait possible. Mais si je m'explique l'intérêt qu'il peut avoir à chasser la bête, je ne comprends pas aussi bien ses motifs pour rechercher Jeannot. Bah, en raison des bruits qui ont couru sur l'étroite intimité de la bête et du fou, on a très bien pu s'informer de l'un pour retrouver l'autre. C'est possible, dit le baron d'un air pensif. Voilà une concurrence qui me déplaît. Quoique ce monsieur Léonce ne me paraisse pas bien redoutable. Sans doute il a l'intention de se mettre en chasse demain matin. Il faudra le prévenir. Nous partirons avant le jour s'il est nécessaire. Féréol avait écouté cette conversation. Eh bien, mon cher hôte, reprit le baron, ne savez-vous rien de ce Jeannot, que je désire ardemment de retrouver, dans l'intérêt même de notre foi commune ? Féréol hésita un moment. « Monsieur le baron, dit-il enfin, Jean Peyrat est mon parent à un degré éloigné, et j'ai connaissance du lieu où l'on pourrait peut-être le rencontrer, mais je me laisserai déchirer en lambeaux, comme les 7 Maccabées, plutôt que de trahir sa retraite, à moins que je ne sache ce qu'on attend de lui. » La Roche-Boisseau lui apprit la contestation élevée au sujet de l'héritage de Varinas et essaya de lui prouver qu'il était de la plus haute importance pour la cause protestante que cette fortune revint à son héritier légitime au détriment des moines rapaces de Frontenac. Tout le fanatisme du montagnard fut réveillé par ce récit habilement ménagé. « Honte et abomination sur l'église de Rome » s'écria-t-il. « Depuis quand le bien des enfants de Dieu doit-il passer aux mains viles des enfants d'Israël ? J'engagerai ma vie et celle de tous les miens, monsieur le baron, pour vous faire obtenir justice dans cette belle cause. Malheureusement, je crains bien que mon parent ne soit plus en état de porter témoignage en votre faveur. S'il faut le dire, sa raison paraît égarée sans remède. Il passa ici il y a près d'un mois et s'assit devant notre maison où il venait fréquemment autrefois. Mes enfants avaient peur de lui et n'osaient l'approcher. Quand je revins des pâturages, je le trouvai à la même place et je le reconnus sur le champ malgré ses haillons et sa misère. Il me reconnut aussi, mais je ne pus tirer de lui que des paroles sans suite, accompagnées d'un rire idiot. Il refusa d'entrer chez moi. En revanche, quand on lui apporta des aliments, il se jeta dessus avec avidité et les dévora en un clin d'œil. Ensuite, il nous quitta, et depuis ce temps, il est errant dans le voisinage, vivant on ne sait de quoi. Nous le rencontrons souvent, mais il fuit toujours à notre approche et s'enfonce dans des broussailles où l'on ne peut le suivre. Cependant, à cause de notre parenté, je fais déposer de temps en temps, dans les lieux qu'il fréquente, du pain ou des châtaignes. Ses provisions ont toujours disparu le lendemain. Vous voyez, monsieur le baron, qu'il ne sera pas facile de mettre la main sur ce pauvre Jeannot. D'ailleurs, j'ai des raisons de penser qu'à certains moments, il serait fort dangereux de l'aborder. Je veux néanmoins tenter l'expérience, ami Ferréol, reprit le baron. Voici là-bas quelqu'un qui promet non seulement d'approcher ce malheureux fou, mais encore de l'apprivoiser complètement dès qu'on aura retrouvé sa trace. N'est-il pas vrai, Fargeot ? Continua-t-il en s'adressant à l'ancien garde général, qui, aussitôt après le souper, avait gagné le coin du feu. Oui, oui, monsieur le baron, répliqua Fargeot avec assurance. Ce pauvre diable et moi, nous nous connaissons de longue date, et je sais le moyen de l'amadouer. À la vérité, il n'était pas aussi sauvage autrefois qu'il l'est aujourd'hui. Mais je réponds qu'il ne fuira pas s'il se trouve à portée de me reconnaître, ou seulement d'entendre ma voix. Le montagnard, dans son respect exagéré pour les liens du sang, exigea du baron la promesse qu'il ne serait fait aucun mal à Jeannot, son arrière-cousin, et qu'on le laisserait aller librement après avoir recueilli son témoignage. Puis il fut convenu que Ferréol et Ruben accompagneraient le lendemain matin les chasseurs au bois du Sceau, où l'insensé, comme jadis, paraissait vivre en bonne intelligence avec la bête du Gévaudan. « C'est à merveille !» reprit le gris quand on se fut entendu sur divers points de détail. « Mais ce que nous devons faire, baron, faisons-le promptement. Le voisinage de ce monsieur Léonce et de ces gens commence à me chagriner fort. Si le loup est réellement blessé, on aura bon marché de lui, et nous serions inexcusables de nous laisser prévenir. » « Eh bien, le gris, dit le baron, nous partirons aux premières lueurs du jour. Que voulez-vous de plus ?»« Je ne veux rien, la Roche-Boisseau, rien du tout, » répliqua le gris avec humeur. « Mais à présent que certaines autres entreprises qui vous tiennent à cœur semblent devoir réussir, je vous trouve bien froid pour celle-ci. Vous êtes beaucoup plus occupé de votre Jeannot que de la bête. » Le baron lui dit quelques mots à voix basse pour l'apaiser. « C'est bon, c'est bon. » « Mais il faut que demain je tue la bête du Gévaudan. Nous verrons demain quel cale on doit faire de votre parole. » Et il alla s'asseoir au coin du feu d'un air boudeur, tandis que le baron haussait dédaigneusement les épaules. Du reste, la veillée ne se prolongea guère. Les voyageurs étaient épuisés de fatigue et ils avaient besoin de réparer leurs forces pour la journée du lendemain, qui serait rude selon toute apparence. Aussi la Roche-Boisseau témoigna-t-il le désir de se retirer. Mais avant de déférer à son vœu, Ferréol l'invita froidement à se joindre aux prières de la famille, qui allaient avoir lieu, suivant l'habitude patriarcale de chaque soir. La Roche-Boisseau sentit bien qu'un refus blesserait son hôte, mais il ne pouvait pousser la complaisance jusqu'à supporter une heure au moins d'oraisons et de psaumes en français. Il s'excusa donc sur le sommeil qui l'accablait pour se dispenser de ce devoir, qu'il ne saurait, disait-il, accomplir en ce moment avec tout le recueillement nécessaire. Ferréol fronça le sourcil. Cependant, il se contenta de murmurer « Il est écrit, la prière délasse et la méditation vivifie l'esprit. Que Dieu pardonne aux pécheurs et à l'homme léger. » Quelques instants après, les voyageurs étaient couchés, les uns dans les lits de leurs hôtes, les autres dans le foin de l'étable, où la laine des bestiaux entretenait une douce température. Pendant une partie de la nuit, on eût pu entendre au milieu des mugissements du vent la voix grave et monotone du chef de famille qui donnait l'instruction religieuse à ses enfants. Fin de la section 19.